peuple de l'Antiquité ont une belle histoire à respecter. Bien la connaître et l'apprendre permettra de mieux se comprendre. Car aussi grand soit notre pays, de la planète il n'est qu'une partie. Loin de l'Europe, dans la Chine antique, règne une dynastie d'empereurs mythiques. La famille des Han contrôle le pays à laquelle appartient l'empereur Wudi. Avec ses soldats, il remporte des batailles et fait prolonger la grande muraille. Fidèle à Confucius, ses mandarins font régner l'ordre sur tous les chemins. Ils surveillent presque toute la route de la soie où circulent de nombreux produits chinois, comme les chères épices ou le beau papier fabriqué à base de bambou broyé. Les peuples de l'Antiquité ont une belle histoire à respecter. Bien la connaître et l'apprendre permettra de mieux se comprendre. Car aussi grand soit notre pays, de la planète il n'est qu'une partie. Loin de l'Europe, dans l'Inde du Nord antique, une famille connaît un sort magnifique. Les oirs du roi Chandragupta Ier, par mariage, par conquête, ont constitué une puissance redoutée, intolérante, et une civilisation brillante. Certains prient Brahma, Vishnu, Shiva, d'autres suivent l'enseignement de Bouddha. Les premiers sont appelés hindouistes, les seconds sont étiquetés bouddhistes. Arts et sciences se sont très développés, bravo! Mais quelle idée d'inventer le zéro! Les peuples de l'Antiquité ont une belle histoire à respecter. Bien la connaître et l'apprendre permettra de mieux se comprendre. Car aussi grand soit notre pays, de la planète, il n'est qu'une partie.